révolution, c'est une transformation brutale du régime politique, économique et social qui, quelles que soient les idées dont il se réclame, tend à créer l'instabilité et la précarité du pouvoir qui sont contraires aux libertés. On pourrait écrire un livre contre Tocqueville en disant que cet homme qui a tout analysé a négligé les deux points essentiels de sa pensée, la foi en l'homme et la foi dans la liberté. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. Peu de choses semblent à la fois aussi vagues et idéales, mais aussi concrètes que la liberté. Peu de courants semblent à la fois aussi séduisants et aussi détestables que le libéralisme. On se bat pour la liberté autant qu'on combat son idéologie, tout en s'y soumettant. Telle est la difficulté de cet impératif qui anime le moindre de nos mouvements, de nos choix et la moindre de nos conversations. Comment être libre? Comment rester libre dans un monde uniforme, mais où l'égalité ne sera jamais parfaite? Si la démocratie ne garantit pas nos libertés, comment faire? Pour Raymond Aron, le libéralisme reste la seule et unique réponse. Mais encore faut-il savoir le définir, et pour cela, un détour par Alexis de Tocqueville ne sera pas de trop. Yes, I'm marching down freedom's road. Bonjour Françoise Mélognon. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de littérature à la Sorbonne Université, secrétaire scientifique de commission de publication des œuvres de Tocqueville. Je l'ai dit trop vite, vous êtes secrétaire scientifique de commission de publication des œuvres de Tocqueville et spécialiste en histoire politique et histoire des idées. Alors Raymond Aron, il faut le dire, était un grand lecteur d'Alexis Tocqueville. Comment en est-il venu à s'intéresser à cet auteur du 19e siècle qui a écrit alors que la démocratie en était encore à son avènement? Mais en fait, Aron est un lecteur assez tardif de Tocqueville. Il lit Tocqueville à la fin des années 50 et donc on peut dire qu'il y a une convergence très forte avec Tocqueville, une parenté, mais ça n'est pas Tocqueville qui forme sa pensée politique. Et on peut s'en étonner. Parce que Tocqueville n'est pas inconnu dans l'après-guerre jusqu'à la fin des années 50. Des générations d'étudiants ont étudié à travers Jean-Jacques Chevalier les grandes œuvres politiques, l'œuvre de Tocqueville. Et puis l'édition des œuvres complètes de Tocqueville moderne, elle commence en 1951. Et donc, au fond, la question c'est pourquoi Aron n'a-t-il pas rencontré Tocqueville plus tôt? Il aurait pu, il connaissait bien Elia Lévy, la pensée d'Elia Lévy, mais Elia Lévy ne cite quasiment jamais Tocqueville. Il aurait pu aussi lire Tocqueville grâce à son professeur Célestin Bouglé, qui est une figure majeure, directeur de l'École normale supérieure, directeur du laboratoire de sociologie de cette école où il a eu Aron pour élève, et il se trouve que Célestin Bouglé, qui est un personnage considérable, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme, vice-président en tout cas, Célestin Bouglé publie en 1908 un grand livre sur les idées égalitaires dans lequel il utilise énormément Tocqueville pour opposer l'égalité aux castes. Bouglé ne pouvait pas savoir que Tocqueville avait laissé un livre inachevé sur les castes en Inde, mais au fond ils ont une très grande proximité de pensée. Eh bien Aron, qui n'est pas très enthousiaste de ses années à l'école normale supérieure, il faut bien oui, le dire. Oui, on l'a dit hein, hier. Vous l'avez dit hier. Bon, juge l'enseignement de la sociologie hors du temps. Et il nous dit qu'il a terminé ses études sans avoir jamais entendu le nom de Tocqueville. Et à l'école normale, à la Sorbonne. Et il écrit « J'ai fait de mon mieux pour que ma propre ignorance d'hier soit épargnée aux jeunes d'aujourd'hui ». Alors, du coup, vous voyez que la question est compliquée. Il faut penser que Tocqueville n'est pas absent, mais qu'il est négligé. Et ça me fait penser à ce que Judith Schlanger dit de la mémoire des œuvres. Qui est une philosophe qui a notamment écrit aussi sur l'influence sur les œuvres, effectivement. Voilà, et elle montre très bien que nous... l'insouciant pouvoir de notre incuriosité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des livres qui existent sur les rayons des bibliothèques, mais nous ne nous y intéressons pas, nous portons notre attention ailleurs. Et c'est le cas de Aron, qui, comme vous l'avez dit hier, tire sa pensée, finalement, de l'expérience fondamentale de son séjour en Allemagne entre 1931 et 1933. Donc, tous les deux, vous faites un parallèle, Françoise Mélogneau, entre Aron et Tocqueville, qui, tous les deux, souffriraient de cette forme d'incuriosité? Alors, il est clair, en tout cas, que pour Aron, il a fallu un détour de l'histoire pour que Tocqueville revienne dans sa pensée. Ce qui m'interroge, moi, c'est que c'est peut-être quelque chose, une malédiction qui frappe particulièrement les libéraux. Parce que quand je regarde... Donc les penseurs du libéralisme. Les penseurs du libéralisme, oui. À supposer qu'on puisse parler du libéralisme, c'est toute la question. Parce que finalement, Tocqueville ne cite... jamais, ou à peu près jamais, ni Constant, ni Madame de Staël. Il est très ami avec le vieux Royer Collard, qui est un des penseurs de la Restauration, mais il considère que c'est vraiment une autre époque. Eh bien, de même, Tocqueville n'est pas cité du tout par Élie Halévy. Et donc, il y a en permanence, si vous voulez, il n'y a pas de continuité générationnelle ni de transmission parmi les libéraux. Et je pense qu'une des raisons, c'est que ces libéraux, à des degrés divers, mais sont ce qu'on appelait des hommes aux affaires, c'est-à-dire des gens immergés dans la politique de leur temps, qui réfléchissent à partir des circonstances, qui acceptent la remise en cause de leur pensée au fil des circonstances. Et du coup, il faut qu'il y ait une forme de proximité entre leur temps et le nôtre pour qu'ils reviennent dans la curiosité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Aron. C'est ce qui est en train de se passer avec Aron. Est-ce qu'en ce moment, justement, Aron bénéficie, comme Tocqueville, d'une forme de redécouverte, justement, de ces penseurs libéraux qui ont misé aussi sur la question de la liberté, mais surtout de l'indépendance, en fait, de penser à l'égard des courants politiques, à l'égard des partis, à l'égard des courants idéologiques? Est-ce que, justement, on assiste, et on passe par Tocqueville, mais en fait, il s'agit de Raymond Aron, à une sorte de redécouverte de cette manière de penser indépendante? Je pense que ce qui attire l'intérêt aujourd'hui, c'est sûrement l'insistance de Aron sur le système représentatif, sur toutes ces formes par lesquelles l'individu obtient non seulement des garanties, mais la possibilité de participer au pouvoir. Alors que précisément ces formes sont en péril aujourd'hui. Et donc il y a chez Aron une valeur d'avertissement que l'on redécouvre. Je me demande qui est d'ailleurs la valeur aussi qu'on a chez Tocqueville, sur les dangers qui menacent la démocratie. Oui, au fond, ce sont des penseurs pour temps de crise. Je me demande si on s'intéresse beaucoup aux libéraux quand les choses vont bien, mais c'est précisément quand on découvre que la liberté n'est pas simple, qu'il y a toute une éducation, qu'on commence à s'intéresser aux libéraux. Tocqueville est un de ces grands penseurs, il y en a quelques-uns, qui se définissent par une question unique. Bergson disait quelque part que toute philosophie pouvait se réduire à une intuition simple. Dans le cas de Tocqueville, je dirais que sa pensée politique prend racine dans une interrogation fondamentale et immédiatement saisissable. Cette interrogation est la suivante. Toutes les sociétés sont en train de devenir démocratiques, c'est-à-dire d'évoluer vers un état social où les différences de caste et de conditions tendront à s'effacer. L'âge démocratique, le mouvement démocratique, est une fatalité, ou, comme disait mieux Tocqueville, un fait providentiel qu'il faut reconnaître comme tel. Et il dépend des hommes, des sociétés et des lois que ces sociétés qui seront toutes et nécessairement démocratiques soient ou libérales ou despotiques. C'était donc la voix de Raymond Aron à propos de Tocqueville dans l'émission de télévision du 7 février 1963. Il nous présente la pensée unique de Tocqueville. C'est presque émouvant, Françoise Mélogneau, d'entendre un problème posé aussi clairement par un philosophe à partir de l'œuvre d'un autre philosophe. Oui, et enfin c'est un des traits du génie de Aron. C'est un extraordinaire commentateur. Et on peut dire qu'entre Tocqueville et Aron, L'un est un renard et l'autre est un hérisson, pour reprendre une distinction qu'avait introduite Isaiah Berlin et que Stanley Hoffman applique au couple de Tocqueville. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qui sont Isaiah Berlin et Stanley Hoffman, juste pour qu'on Isaiah sache. Berlin, qui est une des grandes figures du libéralisme, c'est dans un livre sur Tolstoï, en fait, qu'il applique cette distinction, et voilà la définition qu'il en donne. Si le renard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en sait qu'une seule, mais elle est grande. Et effectivement, qui est le hérisson? Le hérisson, c'est indiscutablement Tocqueville, hein, qui ne sait qu'une chose et qui n'a qu'une seule question. Aron dit que la force de Tocqueville, c'est une diversité inépuisable à développer des idées apparemment simples et au fond une seule idée. Et de fait, Tocqueville est tout à fait toute sa vie tourne autour d'une seule question. L'égalité au sens social du terme, hein, est quelque chose d'irrésistible, providentiel, dit-il. En revanche, ce qui n'est pas déterminé ni fatal, c'est la forme politique qui accompagne cette égalité sociale et qui peut être soit libérale, soit despotique. Ça, je vous coupe, Françoise Mélenchon, parce que c'est vraiment crucial. C'est vraiment une idée qu'il faut tout à fait comprendre et qui a une actualité, en fait, qui est tout le temps actuelle. Il faut le dire, c'est même une idée intemporelle. Il faut se dire que la démocratie, le fait que la démocratie soit un fait inéluctable ou une fatalité ou un fait providentiel, comme le dit Tocqueville, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de l'avènement de la liberté. La démocratie n'est pas l'avènement de la liberté ou d'un régime politique fondé sur la liberté. C'est l'avènement d'un état social avant tout, avec des mœurs, des usages, des sentiments politiques et individuels qui sont déconnectés du régime politique, qui peut soit prendre une forme effectivement libérale ou despotique. Et ça, il faut bien entendre, parce que c'est pas une idée très intuitive. On pense que démocratie est égale liberté. Oui, alors c'est d'autant moins intuitif que le mot démocratie est souvent un peu employé dans des sens très divers, donc du coup il y a une certaine confusion des esprits, mais c'est cette distinction entre l'égalité ou la démocratie sociale et la forme du gouvernement qui a attiré Aron vers Tocqueville. Pour lui, c'est fondamental, c'est ce que Marx n'a pas pensé, et c'est précisément l'apport de Tocqueville que de mettre au cœur de son propos les sociétés démocratiques et de lutter pour faire comprendre qu'elles n'ont pas une forme de gouvernement obligatoire. Alors, je dirais que la différence entre Tocqueville et Aron, c'est que Tocqueville étant un hérisson, s'intéresse surtout à la France, parce qu'au fond, l'histoire de France lui est tombée sur la tête. Hein. C'est l'histoire de sa famille. Il fait la théorie de l'histoire de sa famille. Il est d'une famille aristocratique, c'est l'arrière-petit-fils de Malesherbes, donc une famille issue d'un grand mouvement des Lumières, hein, mais qui était une famille pilier de la Restauration. Une partie de sa famille a été guillotinée sous la Terreur, puis la Restauration arrive et renvoie à la vie privée le reste de sa famille. Lui décide de continuer à servir l'État. Mais ça fait une différence avec Aron, qui, au fond, lui pense le système international. Et du coup, Aron pose la question de régimes libéraux et despotiques de façon très large, hein, alors que Tocqueville, même s'il fait la comparaison entre les États-Unis et la Russie comme régime libre, régime despotique, c'est surtout l'avenir de la France qui l'intéresse. Et pourquoi Aron a-t-il été frappé par cette intuition ou cette thèse de Tocqueville sur cette dissociation entre démocratie et liberté? Parce qu'il lui semblait que ça résonnait particulièrement avec son époque, où il lui semblait que c'était un argument de philosophie politique qui avait été manqué pour bien définir la démocratie? Alors, chez Aron, ça me paraît souvent indiscernable, le regard sur le monde contemporain et la réflexion philosophique. C'est d'ailleurs ce que je trouve attachant, aussi bien chez lui que chez Tocqueville. Ce sont des pensées très incarnées, hein, qui ne sont pas des pensées dogmatiques et qui acceptent de se frotter, si vous voulez, au cours des choses. Hein. Il est clair que chez Aron, et il le dit d'ailleurs, c'est le contre-coup de son expérience allemande et puis du stalinisme qui fait que la question du totalitarisme est absolument centrale pour lui. Et puis le contexte de la guerre froide, dans laquelle le grand texte de Tocqueville sur l'opposition entre la Russie et les États-Unis prend une valeur absolument centrale au point que les présidents des États-Unis le citent, Eisenhower le cite, et que Khrouchtchev dit qu'il n'en a rigoureusement rien à faire, des élucubrations d'un aristocrate français du 19e siècle. Donc, si vous voulez, il y a ce contexte dans lequel, clairement, Tocqueville revient pour une page qui, à l'époque, n'avait sans doute pas l'originalité qu'on lui prête, mais qui consonne véritablement avec, avec ce temps. Et je crois que, du coup, Aron y trouve le moyen de relancer sa pensée sur le totalitarisme et le stalinisme. Et en ce sens, si vous voulez, de dissocier ce qu'il avait pu faire sur Marx comme économiste et ce qu'il y a de, qu'il considère comme calamiteux, de Marx économiste prophète, il dit père tutélaire, père putatif. Du stalinisme. Le putatif ne devant pas être oublié, bien évidemment. Et puis, retrouver Tocqueville permet aussi à Aron d'affiner sa critique des révolutions du totalitarisme en renforçant sa définition de la liberté. Je vous propose, Françoise Mélogneau, d'écouter un texte de Tocqueville pour bien comprendre ce en quoi consiste la liberté chez ce penseur. Je vous demande, mon cher ami, la permission de ne point discuter vos théories politiques. Nous sommes l'un et l'autre parfaitement logiques dans notre manière de penser. Vous considérez les hommes de nos jours comme de grands enfants très dégénérés et très mal élevés. Et en conséquence, vous trouvez bon qu'on les mène par des spectacles, du bruit, beaucoup de clinquants, de belles broderies et de superbes uniformes, qui bien souvent ne sont que des livrées. Je crois, comme vous, nos contemporains assez mal élevés, ce qui est la première cause de leur misère et de leur faiblesse. Mais je crois qu'une éducation meilleure pourrait redresser le mal qu'une mauvaise éducation a fait. Je crois qu'il n'est pas permis de renoncer à une telle entreprise. Je crois qu'on peut encore tirer parti d'eux comme de tous les hommes par un appel habile à leur honnêteté naturelle et à leur bon sens. Je veux les traiter comme des hommes, en effet. J'ai peut-être tort. Mais je suis les conséquences de mes principes, et de plus je trouve un plaisir profond et noble à les suivre. Vous méprisez profondément l'espèce humaine, au moins la nôtre. Vous la croyez non seulement déchue, mais incapable de se relever jamais. Sa constitution même la condamne à servir. Pour moi, qui ne me sais ni le droit ni le goût d'entretenir de telles opinions sur ma race et sur mon pays, je pense qu'il ne faut pas désespérer d'eux. À mes yeux, les sociétés humaines, comme les individus, ne sont quelque chose que par l'usage de la liberté. Que la liberté soit plus difficile à fonder et à maintenir dans des sociétés démocratiques comme les nôtres que dans certaines sociétés aristocratiques qui nous ont précédés, je l'ai toujours dit. Mais que cela soit impossible, je ne serai jamais assez téméraire pour le penser. C'est toujours un vrai plaisir d'entendre Alexis de Tocqueville. C'est une lettre à Arthur de Gobineau qui date du 24 janvier 1857. Et il y a cette phrase dans cette lettre, Françoise Mélogneau, hein, qu'on a entendu interpréter par François Raison. « À mes yeux, les sociétés humaines comme les individus ne sont quelque chose que par l'usage de la liberté. » Mais est-ce qu'il ne nous en dit beaucoup plus que ça sur la liberté, en fait, Tocqueville? C'est quoi sa définition de la liberté? Alors, dans le cas de Tocqueville, on en a une qui est de 1836. Je peux vous la lire. D'après la notion moderne, la notion démocratique et, j'ose le dire, la notion juste de la liberté, chaque homme étant présumé avoir reçu de la nature les lumières nécessaires pour se conduire, apporte un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses semblables, en tout ce qui n'a rapport qu'à lui-même et à régler comme il l'entend sa destinée. C'est une définition que Aron cite dans l'essai sur les libertés. La difficulté de cette définition, c'est qu'au fond, comme Tocqueville le remarquera en 1856 et comme Aron le remarque aussi, tout le monde se réclame de la liberté. Aucun parti n'abandonne volontiers la liberté à ses adversaires. Même aujourd'hui, quand on dit « je fais ça pour la liberté », ça veut tout et rien dire. Voilà. Et Aron remarque que sur le plan philosophique, la définition de Tocqueville est assez insuffisante et que, en revanche, lui, Raymond Aron, n'écoute jamais sans un frémissement le goût de Tocqueville pour la liberté, cette espèce de bonheur de la liberté. Donc je dirais que Aron et Tocqueville est très précis dans les institutions de la liberté, les associations, la presse, etc. Il est moins précis dans la définition philosophique de la liberté. Ce qui caractérise les deux hommes, en revanche, c'est qu'ils ne sont pas du tout modérés dans leur défense de la liberté, contrairement à ce qu'on imagine. Ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'avoir des tempéraments et aussi des penseurs assez similaires dans leur rapport à la vie politique, à la réalité, à la pensée. C'est-à-dire que c'est pas des penseurs systématiques, dogmatiques. Et pourtant, ils ont un goût effectivement immodéré pour la liberté, ce qui fait d'ailleurs que cette liberté nous semble un petit peu écrasante dans la manière dont ils la pensent. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ceux qui accusent Aron ou Tocqueville d'être modérés sont généralement des gens indifférents à la liberté. Dans le cas de Tocqueville, c'est le chancelier du tsar Nicolas, le comte de Nesselrode, qui dit « Tocqueville, c'est du sirop de limaçon ». Mais dans cette défense de la liberté, ils ne sont pas du tout modérés. Et la très belle lettre à Gobineau là, qui a été lue, précisément le montre. C'est une lettre qui pose un problème qui est très difficile pour un libéral. À quel moment doit-on arrêter de discuter avec quelqu'un? Et là, de même qu'Aron arrêtera de discuter avec certains de ses amis, de ses ex-amis, Tocqueville arrête de discuter avec Arthur de Gobineau. Alors, il faut rappeler qui est Arthur de Gobineau. Bon, il est né en 1816, donc Tocqueville est né en 1805, il est nettement plus jeune. C'est un jeune homme très flamboyant, extrêmement intelligent. Tocqueville lui assure le début de sa carrière en le prenant comme assistant pour rédiger un rapport pour l'Académie sur le progrès des sciences morales et le progrès des philosophies morales. Ça donne lieu à une magnifique correspondance en 1843. Et déjà, Tocqueville est un peu agacé par le côté très nietzschéen avant la lettre de Gobineau qui passe son temps à dire que le christianisme est une morale de faible. Alors Gobineau, qui rentre dans la carrière diplomatique grâce à Tocqueville, puisque Tocqueville le prend comme chef de cabinet quand il est ministre des Affaires étrangères en 1849, va publier ensuite, bon, sur le tard, de magnifiques romans qu'il faut lire, comme les Pléiades, mais il va publier surtout en 1853-55 un essai sur l'inégalité des races humaines. Et c'est cela que Tocqueville commente ici. Discute dans cette lettre. Voilà. Il faut quand même le dire, Françoise Mélogneau, c'est un texte qui fonde, en fait, c'est une théorie raciste, il faut le dire. Tout à fait. Alors, dans le cas de Gobineau, bon, c'est une théorie raciste un peu particulière, parce qu'il considère qu'il y a trois races, la blanche, la noire et la jaune. Ces trois races ne se valent pas du tout. Sur la race noire, ce sont les pires des clichés. Sur la race blanche, elle a le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force, dit-il, surtout sous la forme aryenne. C'est un racisme un peu particulier parce que l'humanité est quasiment tout entière métissée, ce qui fait que nous sommes tous dégénérés. Donc pour Gobineau, tout le monde, l'humanité est fichue. En tout cas, elle est très mal partie. Ce qui n'a pas empêché sa pensée d'être commentée, notamment par les défenseurs de l'esclavage aux États-Unis, et aussi par les Wagneriens. En revanche, on est revenu de l'idée que ça avait exercé une influence majeure sur le nazisme proprement dit, parce que c'était trop alambiqué sûrement pour servir... Mais en tout cas, c'est une pensée raciste. Et ce qui est intéressant, c'est que Tocqueville l'a repéré et se demande s'il doit continuer à parler avec lui. Lui, pourtant, Tocqueville, qui est libéral et qui devrait en fait être en faveur d'une liberté de conviction et de pensée. Oui, mais d'abord, il considère que c'est une philosophie des haras, c'est-à-dire qu'on confond les hommes avec des chevaux. Il ne croit pas la vérité de l'inégalité des races humaines, mais il va plus loin. Même si cela était vrai, en tout cas, ce serait néfaste politiquement de le dire. Et c'est là qu'on voit dans cette lettre précisément que ce que Tocqueville craint, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire à force de dire qu'il y a des races inférieures, on finit de fait par les mépriser et les rendre viles. Ce à quoi il appelle, c'est à ne pas désespérer, c'est-à-dire qu'au fond, tous les hommes sont capables de liberté. Tous les hommes sont perfectibles et ils ne sont pas responsables, aucun peuple n'est responsable de son infériorité à un moment donné, parce que cette infériorité résulte de l'éducation qui lui a été donnée. Et c'est une idée qu'il va reprendre quand il parlera de l'histoire de la France en 1856. Les Français sont manifestement inaptes à garder longtemps la liberté. Mais pourquoi sont-ils inaptes? C'est que la monarchie absolue les a privés de toute expérience de la liberté. Et donc le véritable coupable, finalement, ce sont les rois. Et il applique la même chose aux peuples colonisés, par exemple. Les Indiens ne sont pas incapables de liberté par essence. Ils sont incapables parce que le système des castes, etc., fait qu'il n'y a pas de liberté collective. Et je pense que c'est ça que Aron a tellement apprécié, c'est l'idée que l'avenir n'est pas écrit, et que finalement, même si la liberté est difficile, elle n'est jamais en fait exclue par l'histoire. Alors si je vous suis bien, Françoise Mélogneau, il y a deux types de liberté, parce qu'il y a d'abord la définition que vous avez donnée, que reprend Raymond Aron dans son essai sur les libertés, comme indépendance, on peut le dire, ça c'est ce que Tocqueville dit en 1836. Et puis il y a ce texte où là on parle de la liberté, mais à une échelle, à l'échelle de la société, et là on a quand même deux types de liberté, c'est-à-dire que la liberté on va dire individuelle qui serait de l'ordre de l'indépendance, donc être indépendant des hommes autour de nous, avoir une liberté de pensée, de conscience, de conviction et d'expression. Et puis il y a aussi la liberté, on va dire politique, ça c'est quand même un partage assez classique dans la philosophie politique entre liberté individuelle et liberté politique, où là, en fait, c'est plutôt une manière d'être libre ensemble à travers des institutions, donc ça va être la presse, les associations, l'éducation et évidemment le vote, par exemple. Oui, et c'est un point extrêmement important chez Tocqueville, et c'est ce qui le sépare radicalement de ceux qui défendent exclusivement la liberté des modernes, c'est-à-dire une liberté défensive. Et je pense que c'est à cela que Aron aussi a été sensible. Alors, c'est pour en venir d'abord à Tocqueville. Tocqueville considère que la liberté de l'individu et l'émancipation de l'individu est un bien, que c'est une véritable conquête. Mais c'est intéressant pour un ancien, pour un aristocrate qui pourrait se dire que finalement il y avait des castes, il y avait des classes et l'émancipation n'était réservée qu'à une élite. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même un aristocrate arrière-petit-fils de Malesherbes, et il faut rappeler que Malesherbes, à la fin du XVIIIe siècle, c'est celui qui défend le peuple face au roi dans ses remontrances en demandant que le système des impôts ne soit pas fait en catimini, comme il l'était. C'est aussi celui qui réclame un état civil pour les juifs et pour les protestants. Et Tocqueville s'est toujours donné comme modèle cet ancêtre-là. Il dit partout « je suis le petit-fils de Malesherbes ». Bon, il est son arrière-petit-fils, mais et oui. Il est vrai que c'est un modèle qui est constamment allégué dans la démocratie en Amérique. Il y a, si vous voulez, chez Tocqueville, dans son rapport à l'aristocratie, une véritable admiration pour la liberté aristocratique des individus, et il devient démocrate en tant que libéral, puisqu'il considère que tous les hommes doivent avoir droit à cette émancipation. Alors, la difficulté, c'est que cette émancipation, qui est la liberté individuelle, celle des garanties, elle risque, dans les sociétés démocratiques, de conduire l'individu à se replier sur lui-même. C'est ce qu'il appelle le despotisme démocratique. Alors, c'est ce qu'il appelle d'abord l'individualisme. Oui. Puisque chacun ne pense plus qu'à sa famille, gagner de l'argent, etc. Bon. Le mot était encore récent au moment où Tocqueville parle. C'est un mot des années 1820, il écrit ça en 1840. Et il en donne une acception négative, alors que le mot peut avoir une acception positive. Mais pour lui, l'individualisme, c'est au fond cette corruption de la liberté individuelle. À vrai dire, c'est une découverte qu'il fait plutôt sur le terrain. Il a un côté encore plus pragmatique, encore plus enquêteur que Aron. C'est d'ailleurs aussi ce qui a séduit Aron, parce qu'en fait, c'est en tant que candidat à la députation dans la Manche que Tocqueville découvre que ses électeurs n'ont rigoureusement rien à faire de ses grandes idées sur la démocratie et s'occupent principalement de cour des bestiaux. Et donc, il découvre à ce moment-là qu'il n'y a pas d'intérêt spontané pour la politique. Donc l'individualisme est un danger. Comment faire pour le combattre ? Et la grandeur de l'homme est en jeu. Eh bien, il faut considérer que la liberté, c'est pas seulement celle des modernes, la liberté de l'individu, c'est aussi celle des anciens, c'est-à-dire la participation à la politique. Et l'idée de responsabilité de chacun dans les affaires politiques. Et je dirais que c'est un des points les plus forts de sa pensée. En 1856, il écrit qu'il n'y a rien de moins indépendant qu'un citoyen libre. moins indépendant, ça veut dire qu'un citoyen libre est celui qui reconnaît la part qu'il prend aux affaires collectives, la part qu'il prend aux responsabilités. Et je dirais que là, Tocqueville est parfaitement cohérent, puisqu'il met sa vie politique en accord avec ça. C'est quelqu'un qui se pense comme représentant, devant rendre compte, et qui cherche à favoriser, bon, pas la politique au village, il est quand même pas maire, mais il est conseiller général, donc la politique au canton. Et je crois que cette dimension de la liberté, Aron y est aussi très sensible. Ça se voit particulièrement dans la façon dont Aron donne un commentaire extrêmement critique de la pensée de Friedrich Hayek. Dans un article de Aron. Friedrich Hayek, il faut le dire, qui est un libertarien, on pourrait dire. Oui, voilà, un libertarien. Donc là, c'est vraiment le libéralisme plus, mais dans la dimension vraiment individuelle, où là, la liberté est purement négative, à savoir, je peux agir à ma guise. L'idée, c'est de ne pas avoir de contraintes. Oui, de n'avoir aucune contrainte. Et Hayek considère que globalement, la tradition européenne continentale a été complètement phagocyté par Rousseau ou infecté par Rousseau. Il y a relativement peu d'exceptions sur l'Europe continentale à cette infection, et il pense que Tocqueville est relativement infecté, peu infecté, que c'est un anticonstructiviste, et c'est pour cette raison que Hayek emprunte à un discours de Tocqueville contre le socialisme en octobre 1848, le titre de son ouvrage « The Road to Serfdom » de 1944, « La route de la servitude ». Donc Hayek se sert de ce discours politique contre le socialisme pour dire que finalement il faut avoir de la liberté une définition strictement négative. Ce qui est une interprétation très forcée de la pensée de Tocqueville. Et même presque un contresens, on peut dire, puisque la défense des libertés politiques chez Tocqueville prime sur la défense de la liberté individuelle. Et puis, on peut même se dire que la liberté individuelle, et c'est en ça que le libéralisme de Tocqueville est si intéressant, que la liberté individuelle peut être le ferment du despotisme démocratique, puisqu'à force, par individualiste, de vouloir défendre sa liberté individuelle, de jouir chez soi, de ses biens, de sa famille, on laisse la place, en fait, à une forme d'apathie politique, à des passions politiques éteintes, ce qui laisse la place, en fait, à un despotisme démocratique. Donc là, le libéralisme de Tocqueville est très intéressant parce qu'il dissocie bien liberté individuelle et liberté politique et même les met en concurrence, on peut dire. Oui, alors il est vrai en même temps que Tocqueville est très fortement antisocialiste, bon, surtout en octobre 1848, dans un contexte où il y a eu un affrontement extrêmement violent dans les journées de juin 1848, et où Tocqueville voit se dessiner une dérive extrêmement rapide vers un conservatisme carrément réactionnaire. Et il a donc ce raisonnement, toujours périlleux, que en menant une politique de droite, on va éviter un dérapage vers l'extrême droite. Bon, en l'occurrence, ça marchera pas. Il se fera battre. Bon, il y en a d'autres qui ont cette politique. Voilà. Mais si vous voulez, bon, il y a ce discours. On peut pas interpréter un discours politique, si vous voulez, comme un grand texte académique en faisant abstraction de son contexte. Mais il y a une dimension antisocialiste chez Tocqueville. Bon, il sait très bien que on peut pas dénoncer le despotisme étatique chez Proudhon, ça ne lui échappe évidemment pas. Mais il pense aux ateliers nationaux, à certaines formes du socialisme, et donc il s'en prend à la tutelle de l'État sur l'ensemble de la vie économique. Et alors, ce qui m'intéresse dans le cas de Aron, c'est qu'il considère que se donner un individu, comme le fait Hayek, tel que le conçoit la science économique comme une unité en quelque sorte, ça ne permet pas de constituer une philosophie de la liberté, ni même de préciser les critères d'une société libre. Parce que la liberté ne se limite pas à l'idée de non-coercition, et que les hommes sacrifient une partie de leur sphère privée pour leur patrie, pour une vie meilleure, etc. Donc, il y a bien la même idée chez les deux, et je pense que c'est ça qui séduit Aron, qu'il n'y a pas seulement des libertés négatives, mais il y a aussi des libertés de participation, voire même des libertés capacité. Simplement, je pense qu'Aron, ayant été un lecteur de Marx et ne reniant pas cette lecture de Marx, va plus loin que Tocqueville dans les libertés capacités. Puis un siècle les sépare. Bon. Pour Aron, la critique que fait Tocqueville du despotisme démocratique, elle est exagérée et même, dit-il, un peu déplaisante. Parce que, bon, il va de soi qu'à l'époque où Tocqueville écrit sur le despotisme démocratique, en 1840, l'intervention de l'État dans l'économie Elle est réelle sur les chemins de fer, mais elle n'est pas énorme. Elle est faible en matière de protection sociale, vu que les grandes institutions sociales ont été démolies au moment de la Révolution et qu'on n'a pas reconstitué des systèmes d'aide sociale efficaces. Et Aron est favorable à un certain nombre de protections sociales. Mais Tocqueville lui-même n'est pas hostile à une intervention de l'État en matière en temps de crise, à une intervention de l'État pour faciliter l'aménagement du territoire sous forme de subventions pour des chemins de fer, à condition qu'on ne les gère pas soi-même. Et il s'est beaucoup intéressé aux problèmes de traitement du paupérisme, etc. Bon, Aron va plus loin, clairement, dans l'idée de capacité. Mais on voit bien que chez les deux, l'idée qu'on pourrait se contenter d'une liberté à la Hayek, c'est-à-dire en fait d'une critique radicale de toute dimension collective, etc., bon, cette idée-là, il la récuse absolument. Ce qui m'a séparé de quelques-uns très proches de moi avant la crise universitaire de 1968, c'est une réaction affective que je veux non justifier, mais avouer. Beaucoup d'hommes de gauche, foncièrement antistaliniens, ont retrouvé avec joie, avec enthousiasme, avec une fraîcheur de jeunesse, le climat des soviets de 1917, les souvenirs de la Commune de Paris ou les souvenirs encore plus lointains de la Commune jacobine. Ils ont admiré les graffitis de la Sorbonne, ils ont jugé cette jeunesse généreuse, ardente, merveilleuse. Chacun a ses réactions affectives. Les miennes étaient exactement opposées. Inévitablement, en pareil cas, chacun se fait un modèle, et chacun imite son maître et se fait comédien. Dès que ces événements ont commencé, j'ai raisonné de la manière suivante. Les révolutionnaires français peuvent éventuellement détruire, ils ne peuvent pas refaire un ordre. Une société malgré tout aussi modernisée que la société française ne peut pas être gouvernée selon les méthodes libertaires de ces gens, qui d'ailleurs n'ont derrière eux aucune masse. Ainsi donc, la Commune estudiantine heurtait ma sensibilité alors qu'elle ravissait la sensibilité de certains autres. En tant qu'analyste politique, je ne voyais à l'horizon, pour ainsi dire, que du malheur. Je jouais le Tocqueville du 25 février 1848 qui accusait d'aveuglement son ami Ampère. « Vous ne comprenez rien, vous trouvez grandiose ce mouvement du peuple de Paris, mais moi je vous dis que de ce mouvement ne peut sortir que le malheur, c'est-à-dire ou un régime de droite renforcé, ou un gouvernement de style Front populaire dominé par le communisme. » Nous continuons la France, brisons ses derniers ennemis, pour sa grande renaissance, luttons et soyons unis, unis. Liberté, nous ne voulons que toi, unissons sous ta loi l'humanité. Liberté, nous saurons te chanter, tu as toujours été notre seule voix. Vous savez bien que les foules enfiévrées sont effectivement dangereuses et qu'il n'y a aucune raison qu'un intellectuel aime les foules enfiévré lorsque lui-même est au milieu de ses foules. Je sais bien que Sartre, dans la critique de la raison dialectique, a décrit les journées révolutionnaires comme la création de l'humanité par la révolte. Je ne suis pas absolument sûr que si Jean-Paul Sartre avait été au milieu de ces journées révolutionnaires, il aurait été aussi enthousiaste qu'en écrivant ces pages dans la critique de la raison dialectique. C'est une autre question. Mais c'est vrai, Tocqueville et moi, si j'ose dire, nous ne croyons pas beaucoup aux utopies, au messianisme, et nous craignons les retombées réelles et historiques des espérances indéfinies. En ce sens, nous sommes sceptiques sur le bien que faisaient aux sociétés ces révolutions et, disons, ces représentations de la transformation totale de la société par un coup d'État ou par la violence. France Culture. Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors, on vient d'entendre la voix de Raymond Aron. C'était dans une archive des après-midi de France Culture du 20 février 1980. Et puis, juste avant, on a entendu un texte de Raymond Aron, La Révolution introuvable. C'est un entretien avec Alain Duhamel de 1968. Alors, ce que partagent Tocqueville et Aron, d'ailleurs, Aron cite deux fois Tocqueville, à l'oral et à l'écrit, c'est effectivement cette défense de la liberté politique et de son articulation avec la liberté individuelle, mais surtout politique, sauf quand, en fait, cette liberté politique prend en fait des excès, un aspect violent et devient excessive et prend en fait une dimension révolutionnaire. Oui, alors le texte de Aron en fait est repris après dans La Révolution introuvable de 1968 et ça n'est pas simplement quelques citations de Tocqueville, c'est un livre qui est tout entier tocquevillien à tel point que en fait quand Aron qui était aux États-Unis au moment où le mouvement éclate, il revient juste après, il va publier son premier éditorial dans le Figaro qui est constitué exclusivement de citations de Tocqueville tirées des souvenirs parce que Aron dit finalement c'était le moyen le meilleur de faire comprendre ce que je ressentais. Alors en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces textes qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a à la fois de l'affectif et de la théorie politique. Il y a de l'affectif parce que les deux hommes, en fait, Tocqueville dans les souvenirs et Aron dans ses textes de 68, ont une forme de recul devant ce qu'on pourrait appeler l'illusion lyrique, c'est-à-dire les foules inorganisées. Tocqueville est un homme de la conversation, mal à l'aise dans ce qu'on n'appelait pas encore les meetings, mais en tout cas les banquets. Aron est aussi un homme que l'expérience de l'Allemagne a sûrement mis en garde contre les foules. Les mouvements collectifs. Les mouvements collectifs dans lesquels il n'y a plus de débat possible, où le mouvement de foule et les émotions l'emportent finalement sur le raisonnement. Et donc la question qu'ils ont tous les deux, c'est d'expliquer pourquoi cette illusion lyrique frappe autant de gens et surtout frappe leurs meilleurs amis. Puisque Aron pense sans doute aussi à Claude Lefort, pour qui il avait de l'estime, et Tocqueville, celui qui mentionne, c'est Jean-Jacques Ampère qui était académicien et dont il dit que c'était un homme plein de cœur d'un commerce doux et sûr, mais qui au fond faisait ce qu'il appelle de la politique littéraire, c'est ce qu'on pourrait dire aussi de Sartre qui fait de la politique philosophique. La politique littéraire, ça consiste à voir ce qui est ingénieux plus que ce qui est vrai, et à se décider par des impressions plus que par des raisons. Et Ampère est séduit par la générosité de certains insurgés en février 1848, l'émotion populaire. Tocqueville lui dit « mais vous jugez en badaud de Paris ou en poète ». Et de même, Aron pense que certains de ses amis sont séduits par cette émotion collective. Alors il va plus loin que ça quand même. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on a entendu, c'est que ce qui se joue, ça n'est pas en fait la critique des libertés individuelles contre les libertés politiques, c'est aussi une certaine dimension collective et même de volonté en fait d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dialectique dans le libéralisme qui se joue contre, entre la liberté et l'égalité, et plutôt contre l'égalité. C'est-à-dire l'égalité peut prendre des formes de revendications infinies. D'ailleurs, Tocqueville parle de passion pour l'égalité, hein, que les citoyens, les individus démocratiques peuvent même préférer. J'ai le texte sous les yeux. Ils veulent l'égalité et ils la voudront encore dans l'esclavage plutôt que la liberté. Et de la même manière, on retrouve Aron sur ce point-là, qui dit dans son essai sur les libertés de 76 « Nous acceptons tous dans certaines limites qu'il faut donner à chacun les moyens minimaux nécessaires à l'exercice des libertés reconnues à tous. Encore faut-il souligner dans certaines limites les revendications pour les enfants de toutes les classes sociales d'une chance égale, donc d'une puissance égale, d'entrée à l'école polytechnique ou encore pour les femmes d'une liberté capacité de promotion égale à celle des hommes. Ces revendications, toujours insatisfaites et impossibles à satisfaire, relèvent de l'égalitarisme doctrinaire et non du libéralisme. » C'est quand même des paroles très fortes qu'on a là. Oui, tout à fait. Alors, il y a un écart entre Tocqueville et Aron. Tocqueville pense l'homogénéisation croissante de la société et donc les progrès de l'égalité. Donc il y a bien ces revendications constantes, si vous voulez, qui mettent en péril la liberté dès lors que on est prêt à renverser toute autorité pour accéder à la liberté. Mais il a le sentiment que si on écarte le risque marginal d'une aristocratie nouvelle par l'industrie, mais là, c'est une aristocratie qui n'est pas stable, les fortunes vont et viennent, le mouvement général va vers l'égalité. Aron n'est pas un lecteur d'Auguste Comte pour rien, et il considère que dans les sociétés industrielles, il y a en fait ce qu'il appelle une dialectique de l'égalité, c'est-à-dire que l'égalité progresse vers l'homogénéisation, comme le dit Tocqueville, mais en même temps, la société industrielle, par les exigences de la production, fait que renaît tout le temps une inégalité qui est liée aux compétences, etc. C'est-à-dire que l'égalité est un statut, un état inatteignable. elle est un état inatteignable, mais dans le cas de Aron, il pense en plus qu'il y a une vraie dialectique, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement inégalitaire au cœur des sociétés industrielles. Ce que Tocqueville, qui s'intéressait médiocrement à l'industrie, il faut bien dire, n'avait pas du tout anticipé. Lui pense une extension de la classe moyenne à l'infini. Mais dans le cas de la France, il se joue quelque chose de particulier dans le rapport à l'égalité, qui fait notre inaptitude longue au régime libéral. Et c'est ce qui ressort un peu du très beau texte de Aron sur 1968, qui est aussi un texte sur 1848. Oui, il faut comparer. Il faut dire aussi qu'on retrouve une similarité entre Tocqueville et Aron, entre les rapports en fait à des événements du type révolutionnaire, révolte comme mai 68 et aussi la révolution de 1848. Oui, alors février 1848, parce que juin 1848, c'est clairement, oui, là, une guerre des classes. Donc, février 1848. On n'est plus du tout dans la même analyse. Oui, alors le point commun, c'est ce que Aron dit assez drôlement en disant que ses collègues rêvent de 1917 et même de remonter jusqu'à la commune, jusqu'aux Jacobins. C'est le poids des souvenirs révolutionnaires. 1917, 1871, les Jacobins pour Aron. Pour Tocqueville, il montre beaucoup que 1848, c'est la répétition, en farce, comme dit Marx d'ailleurs, de la Grande Révolution. En plus doux, parce que Tocqueville constate, comme Marx, on est quand même plutôt sur le mode de la farce, et que il le dit, on citait à tout moment l'exemple et le nom d'illustres scélérats auxquels on n'avait ni léthargie, ni le désir sincère de ressembler. Donc il y a, si vous voulez, une diminution de la violence au cours des révolutions. Les révolutionnaires de 1848, pour Tocqueville, ils sont niais, mais pas méchants. Et Aron de même dit que en 1968... finalement, on est quand même dans le symbolique plus que dans l'affrontement. Il dit la barricade de 1968, c'est pas une barricade militaire comme en 1848, c'est une barricade à fort contenu symbolique. Ce qui fait que dans les deux cas, parce qu'on imite la Grande Révolution, au fond, on est dans le carnaval. Tocqueville a toute une série de représentations du carnaval et Aron parle lui-même de carnaval. D'ailleurs, il hésitait à se référer surtout à Flaubert dans l'éducation sentimentale. Bon, il aurait pu citer La Biche, le club chantepenois, qui était un des ouvrages favoris du doyen Védel. Mais il s'agit bien dans les deux cas de montrer une France obsédée par l'histoire, ce qui fait qu'elle la répète sur un mode mineur. Sans en sortir. Mais Tocqueville, qui s'inquiétait du despotisme démocratique, à savoir de l'apathie des passions politiques des individus, aurait dû se réjouir des mouvements révolutionnaires. Et de la même manière, Aron aurait dû y voir non pas cette égalité des conditions, mais plutôt cette aussi cette sorte d'éveil d'illiberté politique. Alors évidemment, Aron était dans un contexte au XXe siècle du totalitarisme. Alors il y a quand même cette ombre qui plane. Et c'est là où il faut vraiment distinguer Tocqueville et Aron. Oui, mais il n'y a pas que l'ombre du totalitarisme, il y a l'ombre du bonapartisme. Alors, bon, au début, Tocqueville est extrêmement inquiet de la révolution de 1848, mais en même temps, il trouve que ça change du pot-au-feu bourgeois, comme il dit, de la monarchie d'avant. Donc, il y a quand même aussi un côté, il va se passer quelque chose. Bon. Parce que les deux font une analyse assez similaire. C'est que la révolution éclate à cause de l'usure du pouvoir. Dans un cas, le pouvoir de Louis-Philippe. Dans l'autre cas, le pouvoir du général de Gaulle, qui devient finalement complètement étranger aux préoccupations de la population française, extrêmement hiérarchique, incapable de mener des réformes. Et donc, à partir de cette critique du régime, vous voyez qu'ils ont un point commun. Ils sont pas des défenseurs forcenés de ce qui du tout de ce qui s'est passé avant. Alors, la raison pour laquelle ils sont inquiets, c'est qu'il n'y a pas seulement de l'affectif. Il y a aussi de la théorie politique. Dans une révolution, ce qu'ils discernent tous les deux, c'est le retour inévitable d'un gouvernement de droite renforcé. Je l'ai dit pour Tocqueville, il voit arriver juin 1848 et puis il voit ensuite le glissement conservateur de l'ensemble du corps électoral. Le suffrage universel est conservateur et il voit surtout arriver une droite, un Adolphe Thiers très excité, etc. La nation, dit-il, c'est comme chez Tacite, elle se rue vers la servitude. Et en particulier, il voit très vite comment... Dans toute l'Europe, le recul du mouvement va favoriser les pouvoirs absolutistes, que sont la Russie, la Prusse et l'Autriche. Il va se faire battre comme ministre des Affaires étrangères par ses, bon, par ses différents pouvoirs. Et il voit très bien aussi comment lui, Napoléon Bonaparte, va pouvoir reprendre le pouvoir précisément parce qu'il y a la peur de la révolution. Eh bien, je dirais que Aron, il ne faut pas oublier qu'en dehors du totalitarisme, il y a aussi cet extraordinaire article de 1943, L'ombre des Bonaparte, hein, qu'il écrit à Londres, qui est un article anti-gaulliste qui fit scandale, et où il analyse ce qu'on appellerait nous plutôt le populisme en réalité, hein, c'est-à-dire la popularité d'un homme, le ralliement au César, le discrédit du Parlement, hein, et le ralliement à un aventurier adulé par les foules. Et Aron montre comment le bonapartisme, c'est l'anticipation du fascisme, sa version française. Bon. Je dirais qu'Aron, sur le tard, trouvera qu'il a quand même été assez injuste envers le général de Gaulle, qui, après tout, s'attribue à lui-même sa légitimité, comme l'avait fait lui Napoléon Bonaparte, mais à la différence de lui Napoléon Bonaparte, il limite son pouvoir et il institue une constitution. Et puis, on pourrait ajouter qu'après les textes de Aron sur 1968, de Gaulle y part. Il y a dans le cas de Tocqueville quelque chose de surprenant. Comment une telle gloire au dehors, comment une telle négligence au dedans? Tocqueville est peut-être d'une certaine façon responsable du sort qui lui a été fait en France. Tocqueville, écrivain politique, est, me semble-t-il, même pour moi qui l'admire profondément, un écrivain triste, mélancolique. Je crois que l'homme lui-même était triste, incertain, il a parlé lui-même des doutes qui l'assaillaient de manière permanente. Et je crois que cette tristesse intime de Tocqueville s'exprime dans son œuvre et mérite d'être comprise. D'abord, Tocqueville est triste comme un homme qui a dû abandonner le loyalisme auquel il était profondément attaché. Tocqueville acceptait avec sa tête l'âge démocratique, mais il ne l'aimait pas. Il est modéré, raisonnable, et puis peut-être y a-t-il une autre tristesse, qui est la tristesse de l'écrivain politique lui-même, de l'écrivain politique qui voudrait être un homme d'action, ou encore plus profondément, de l'écrivain politique qui connaît l'homme politique. Or, il est plus facile d'avoir foi dans l'homme que d'avoir foi dans l'homme politique. Françoise Méloniaux, je tenais à diffuser cette archive que je trouve très belle de Raymond Aron sur la tristesse de Tocqueville. C'est une archive du 7 février 1963. Est-ce que vous trouvez que Tocqueville est triste et peut-être aussi Raymond Aron ? Alors, je pense que les deux ne sont pas réjouis par le spectacle des hommes politiques de leur temps. Donc, clairement, ils sont déçu pour Tocqueville par l'activité politique, pour Aron par l'observation de ce qu'il voit du monde politique. Ça leur donne sûrement une forme de désenchantement à l'égard de leur temps. Sont-ils tristes pour autant ? Tocqueville déclare en 1844, c'est une citation qu'on a mis dans l'abécédaire à l'article « Mélancolie », « La mélancolie est l'ennemi mortel de la politique ». Je crois qu'on peut s'arrêter sur ces mots. Françoise Méloniaux, merci beaucoup. Je signale, justement, vous venez de parler de l'abécédaire d'Alexis de Tocqueville. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous l'avez coécrit avec Charlotte Manzini. Ça, c'est l'abécédaire donc de Tocqueville. Il y a aussi l'abécédaire de Aron aux éditions de l'Observatoire, aussi par Dominique Schnapper et Fabrice Gardel. Je signale Alexis de Tocqueville de vos éditions de l'Institut français en 2006. Et évidemment, les œuvres complètes de Tocqueville que vous supervisez et qui sont éditées aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Françoise Méloniaux. حقك يا ذي عتبا ذي المرثى شابا القم يلن ينك بال القم يلن ينك بال وحقك يا ذي كرزا ذي وضان عوزا نتفخ ستشورا تذاكا يتفخ ستشورا تذاكا حلوب سن شاء الله France Culture, vous entendez la voix, très belle voix de Idir. On devait parler de l'Algérie, autre similitude entre Raymond Aron et Tocqueville. Ce sera pour une prochaine fois, ça mérite une émission entière. Vous écoutez donc France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Peut-on choisir d'être ou de ne pas être ? Hamlet a marqué tous les esprits dans la tragédie de Shakespeare qui porte son nom, avec sa célèbre question tourmentée au début du troisième acte, « To be or not to be, that is the question ». En plus, non seulement il pose la question ou il s'exclame devant une alternative, mais il le dit lui-même au second degré, pour ainsi dire, « that is the question », qui nous a frappé comme étant finalement une sorte de réflexion philosophique, peut-être la plus abstraite, la plus métaphysique de toutes. Pourtant, cette exclamation est-elle vraiment une question ? Est-elle vraiment une question philosophique ? Rejoint-elle la plus grande question philosophique ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Ce vertige devant le néant, cette angoisse existentielle qui frappe chacun devant la fin du monde ou la fin d'une vie ou la fin d'une journée, la mélancolie de l'automne ou du crépuscule. Non, dans le cas d'Hamlet, il ne s'agit pas d'une alternative métaphysique, mais d'abord d'un choix très concret et d'abord d'un choix moral. Être ou ne pas être, pour lui, c'est affronter ou pas la situation tragique dans laquelle le place la vie familiale et la vie du royaume de Danemark. Faut-il ou non venger son père et trahi par sa propre mère, par la mère d'Hamlet, au risque de détruire tout le royaume et aussi tous ses amours, y compris celle à laquelle il tient le plus, Ophélie dont il est amoureux ? Ou bien faut-il au contraire renoncer ? Faut-il renoncer à affronter la fortune et dans ce cas-là se révéler lâche et peut-être aussi en arrière-plan de ce choix pratique ? Y a-t-il une alternative existentielle plus profonde encore ? Une souffrance psychique ? Le choix de ne pas être n'étant pas celui de ne pas agir ? Mais aussi pour un être humain. Le vertige infini, la tentation vertigineuse est toujours scandaleuse de pouvoir prendre sa propre vie, porter la main sur soi, comme disait le philosophe Jean Améry dans son grand livre sur le suicide. Aux marges du choix moral, du choix pratique, avec ses conséquences les plus profondes sur notre être, sur nos êtres, il y a aussi ce vertige de la souffrance qui peut amener un être humain à prendre sa propre vie. Ainsi, s'il y a une question métaphysique, ce n'est pas celle de l'être en général, c'est celle de notre être qui surgit de l'intérieur de notre vie. Qui sommes-nous pour pouvoir poser la question de l'être, certes, métaphysiquement, mais d'abord pour pouvoir nous poser la question de notre être, la question du sens de notre vie, avec ses extrémités qui peuvent consister jusque dans la folie ou la violence ultime, à porter atteinte à notre être, à détruire notre propre existence. La question être ou ne pas être, ce n'est pas une question métaphysique toute seule. C'est le surgissement de la métaphysique depuis les relations entre les hommes, depuis nos choix pratiques, depuis nos souffrances psychiques. Et elle désigne évidemment, non pas plus un être abstrait qu'un néant hypothétique, mais un être qui est fait de la possibilité du bonheur, de la possibilité de l'amour, de l'accomplissement de tout notre être contre le risque de sa destruction. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier, qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, à la réalisation, Louise André et Nicolas Berger, avec à la prise de son aujourd'hui Arthur Dumont, et puis François Raison à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette deuxième émission de notre série sur Raymond Aron, sur sa lecture d'Alexis de Tocqueville, son libéralisme, sa critique des révolutions, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et demain, on parlera de la philosophie de l'histoire de Raymond Aron, son approche du progrès. Peut-on arrêter le progrès ? Ce sera la question qu'on se posera avec notre invitée Perrine Simon-Naoum. À demain.